Chapitre 17e. Charité était étendue sur un matelas, même le sol, ainsi que l'avait été le corps de sa mère. La pièce où elle se trouvait, sombre et basse de plafond, était plus misérable encore et plus nue que celle où Marie Hayat avait rendu son dernier soupir. De l'autre côté du poêle sans feu, la mère de Leif Hayat dormait, allongée sur une couverture, avec deux enfants, ses petits-enfants, avait-elle dit, blottis contre elle comme de jeunes chiens endormis. Il avait étalé sur eux leurs minces vêtements, la seule couverture qui restait ayant été donnée à leur hôte. Par une petite fenêtre ouverte dans le mur qui lui faisait face, Charity voyait se creuser la voûte du ciel nocturne, infiniment lointain et tout palpitant de froides étoiles. Et ce ciel hostile était comme un abîme noir qui aspirait son âme. Là-haut, quelque part, pensait-elle, le dieu qu'avait invoqué Mr. Miles attendait Marie Hayat. Quel long voyage pour elle! Et qu'aurait-elle à lui dire quand elle paraîtrait devant lui? Le cerveau fatigué de Charity faisait de grands efforts pour reconstituer le passé de sa mère et pour trouver un lien quelconque entre une telle existence et les desseins mystérieux d'un dieu juste et miséricordieux, mais il lui était impossible de trouver ce lien. Elle-même se sentait aussi éloignée de la pauvre créature qu'elle venait de voir descendre dans sa tombe bâtiment creusée que si les profondeurs des cieux les eussent séparées. Elle avait vu autour d'elle la pauvreté et le dénuement, mais dans un milieu où la bonne Mrs. Hawes et la travailleuse Ali représentaient ceux qui pouvaient le plus rapprocher de l'indigence, rien ne pouvait donner une idée de l'atroce misère des gens de la montagne. Dans l'accablement de cette initiation tragique, Charity essayait en vain de se figurer quelle serait sa vie si elle restait sur la montagne. Elle ne pouvait même pas deviner quelle parenté ces gens devaient avoir entre eux ou avec sa mère morte. Ils paraissaient vivre dans une sorte de promiscuité passive et dégradante, où leur commune misère formait le lien le plus puissant. Elle essayait de se représenter quelle vie aurait été la sienne, si elle avait grandi sur la montagne, courant à haillons, à demi sauvage, couchant sur le sol, blottie contre sa mère, comme les pauvres petits qui se serraient contre la vieille Mrs. Hayat, et devenant une créature farouche et ahurie comme la fille qu'il avait apostrophée en termes si étranges. Elle était effrayée par l'affinité secrète qu'elle se sentait avec cette fille, et surtout par la clarté que jetait cette rencontre fatidique sur sa propre origine. Elle se souvint alors de ce que Mr. Royal avait dit à Lucius Harney en racontant son histoire. Oui, il y avait une mère, mais elle était heureuse de voir partir l'enfant. Elle l'aurait donné à n'importe qui. Après tout, sa mère était-elle tant à blâmer? Charity, depuis le jour où elle avait surpris ce douloureux secret, s'était toujours imaginé que la malheureuse devait être dépourvue de tout sentiment humain. Maintenant, à l'examen, elle lui semblait surtout digne de pitié. Quelle mère n'aurait voulu préserver son enfant d'une telle vie? La pensée de l'avenir réservé à celui qu'elle portait emplit ses yeux fatigués de larmes qui coulèrent lentement le long de ses joues. Si elle avait été moins épuisée, moins alourdie par son fardeau, elle se serait levée tout de suite pour s'enfuir. Les tristes heures de la nuit se traînaient lentement. Enfin le ciel se mit à pâlir et l'aube emplit la pièce d'une froide lueur bleuâtre. Charity gisait toujours dans son coin, jetant ses regards apeurés sur le plancher sordide, sur les cordes où pendaient les haillons, sur la vieille femme pelotonnée contre le poêle glacé. Et comme la lumière envahissait peu à peu le paysage hivernal, elle se dit que cette clarté nouvelle apportait avec elle un nouveau jour pendant lequel il faudrait vivre, prendre une décision, agir, se faire une place parmi ses gens, ou retourner à North Dormer, reprendre la vie qu'elle avait quittée. Une lassitude mortelle s'empara d'elle et la courba devant l'inéluctable. À certains moments, elle sentait que tout ce qu'elle demandait, c'était de rester là, d'y vivre, oubliée de tous. Puis son esprit se révoltait à la pensée de faire partie du misérable troupeau d'où elle sortait. Pour préserver son enfant d'un sort pareil, il fallait trouver la force de partir aussi loin qu'il le faudrait et porter tous les fardeaux dont la vie pourrait charger ses épaules. Elle envisagea un moment une vie comme celle de Julia Hawes. Elle se dit que si Ali consentait à lui prêter $20, elle irait à Nettleton pour son accouchement. Ensuite, elle trouverait quelque part un coin tranquille où elle pourrait donner son enfant en garde à de braves gens. Puis elle suivrait l'exemple de Julia et gagnerait ainsi sa vie et celle de son enfant. Elle n'ignorait pas que des filles de cette sorte gagnaient souvent assez pour que leurs enfants fussent bien soignés. Et toute autre considération disparut pour elle dans la vision de son petit, propre et bien peigné, frais et rose comme une fleur, et caché dans un endroit où elle pourrait venir l'embrasser en courant et lui apporter de jolies choses. Tout valait mieux, que d'ajouter une autre existence à ce nid de misère dans la montagne. Enfin, elle se dressa sur son matelas. Son corps était ankylosé par le froid et la fatigue. Elle se mouvait avec lenteur afin de ne pas réveiller la vieille femme et les enfants. La faim la faisait presque défaillir, et le petit sac était vide. Elle aperçut sur la table la moitié d'une tranche de pain rassis, qui devait sans doute servir au déjeuner de la vieille Mrs. Hyatt et de ses petits-enfants. Charity ne s'en soucia pas. Elle devait, elle, penser à son enfant. Elle rompit le morceau de pain et en dévora avidement une partie. Puis son regard tomba sur les visages amaigris des enfants qui dormaient, et saisie de remords, elle fouilla dans son sac pour chercher ce qu'elle pourrait laisser en paiement de ce qu'elle avait pris. Elle trouva parmi son linge une chemise confectionnée par Ali, avec un ruban rose passé dans l'entre-deux. C'était une des jolies choses pour lesquelles elle avait gaspillé ses économies. Et le rouge lui vint au front en la regardant. Elle posa la chemise sur la table, et se glissant à pas de loup jusqu'à la porte, elle souleva le loquet et sortit. Le matin était d'un froid glacial. Un pâle soleil d'automne se levait à peine au-dessus de la cime de la montagne. Les maisons éparses étaient fermées. Aucune fumée ne montait des toits vers les nuages que dorait le soleil. Pas un être humain n'était en vue. Charity s'arrêta sur le seuil, essayant de découvrir la route par laquelle, la veille, elle était venue. Au-delà du pré qui entourait la masure de Mrs. Hyatt, elle vit le toit à demi croulé de la maison où elle pensa qu'avait lieu le service funèbre. La piste à peine tracée passait entre les deux maisons et disparaissait dans le bois de sapin accroché au flanc de la montagne. Un peu plus à droite, sous une aubépine secouée par le vent, un monticule de terre fraîchement remué faisait une tache noire sur la teinte fauve des étoiles. Charity marcha à travers le pré vers le monticule. Comme elle en approchait, elle entendit un chant d'oiseaux et leva les yeux, elle aperçut un moineau perché sur la plus haute branche de l'aubépine qui se dressait près de la tombe. Elle s'arrêta une minute, écoutant la petite chanson solitaire, puis elle regagna la piste et commença l'ascension de la côte vers le bois de sapin. Jusque-là, l'aveugle instinct de la fuite l'avait poussée, mais chaque pas la rapprochait des réalités dont sa veille douloureuse ne lui avait donné que des ombres voilées. Maintenant qu'elle marchait sur la route qui la ramenait aux choses familières, elle se calmait. Sur un point, en tout cas, sa décision était prise. Elle ne resterait pas un hors dormeur. Et plus vite elle s'en irait, mieux cela vaudrait. Hors de là. À mesure qu'elle montait, l'air était plus vif. Et quand elle eut quitté l'abri des sapins pour se retrouver à découvert sur les plantes herbeuses, le froid de la veille l'assaillit de nouveau. Elle luttait contre le souffle puissant du vent. Mais comme la respiration allait lui manquer, elle dut s'asseoir sous un rocher au bord du chemin qu'ombrageaient des bouleaux frissonnants. De là, elle voyait la piste fuir en zigzag au milieu des herbes sèches dans la direction de Hamblin, et la muraille de granit de la montagne dévalait sous ses pieds à une distance infinie. De ce côté de la crête, les vallées étaient encore plongées dans l'ombre d'un matin d'hiver, mais au-delà, dans la plaine, le soleil caressait les toits et les clochers, et dorait au loin la fumée qui montait des villes invisibles. Charity se sentait perdue sous le cercle solitaire du ciel. Les événements de ces deux derniers jours semblaient l'avoir pour jamais séparée de son rêve de bonheur si court. Même l'image de Harness était à demi effacée, depuis cette affreuse expérience. Elle pense à lui comme à quelqu'un de si éloigné qu'il n'était plus pour elle qu'un vague souvenir. Dans sa pensée tourmentée et flottante, une seule chose restait réelle, le fardeau corporel de son enfant. C'était l'ancre qui la rattachait à la terre. Sans lui, elle se fût sentie désemparée, sans plus de racines que les légers duvets des chardons que le vent chassait devant elle. Son enfant était comme un poids qui la faisait fléchir et tomber, et en même temps comme une main qui l'obligeait à se redresser sur ses pieds. Elle se dit qu'elle devait se relever, lutter encore. Ses yeux alors se tournèrent vers la piste qui se perdait au sommet de la montagne, et très loin, elle aperçut un buggy qui se profilait sur le ciel. Du premier coup d'œil, elle reconnut sa silhouette et celle du vieux cheval qui s'avançait, la tête basse. Un moment après, elle vit la lourde carrure de l'homme qui tenait les rênes. Le buggy suivait la piste, venant du bois de sapin par lequel elle avait passé la veille. Et elle comprit tout de suite que cet homme venait à sa recherche. Son premier mouvement fut de se blottir sous le rocher jusqu'à ce qu'il l'eût dépassé. Mais l'instinct qui la portait à se cacher fut dominé par le soulagement que lui apportait l'idée de n'être plus seule dans ce vide affreux. Elle se leva et marcha vers le buggy. M. Roy l'aperçut et toucha le cheval avec son fouet. Il l'eut bientôt rejointe. Leurs yeux se rencontrèrent et sans parler, Il se pencha hors de la voiture pour l'aider à y monter. Elle essaya de parler, de balbutier une explication, mais les mots ne lui vinrent pas. Mr. Royal l'assit doucement à ses côtés et étendit la couverture sur ses genoux, puis il dit simplement « Le pasteur m'a dit qu'il vous avait laissé là-haut, et je montais vous chercher. » Il fit demi-tour, et la voiture descendit en cahotant la pente qui menait à Hamblin. Charity restait muette, les yeux fixés droit devant elle. Mr. Royal, de temps en temps, disait un mot d'encouragement à son cheval. « Allons, allons, Don. » Je lui ai donné une demi-heure de repos à Hamblin, mais je l'ai mené à rude allure, et la pente est raide, surtout en allant contre le vent. » Pendant qu'il parlait, Charity songeait que pour se trouver, à une heure aussi matinale en haut de la montagne, il avait dû quitter North Dormer à l'heure la plus froide de la nuit, et marcher très vite et sans s'arrêter, sauf pendant une demi-heure à Hamblin. Elle se sentit alors au cœur d'une douceur pareille à celle qu'elle avait éprouvée lorsque son tuteur lui avait apporté la rose grimpante après son refus de partir en pension. Après un silence, Mr. Royal reprit. C'était un jour comme celui-ci, sauf qu'il tombait de la neige quand je suis venu vous chercher ici pour la première fois. Puis, comme s'il craignait qu'elle prît l'observation comme un rappel de ses bienfaits passés, il ajouta très vite. Quelquefois, je me demande si vous croyez que j'ai bien fait de vous emmener. Oui, je le crois, murmura-t-elle, les yeux toujours perdus au loin. Au moins, j'ai fait ce que j'ai pu. Il n'acheva pas sa phrase, et elle ne trouva pas de réponse. Allons, allons, Don, allons, mon vieux, murmura-t-il en secouant les rênes. Nous ne sommes pas encore rendus. Avez-vous froid ? Demanda-t-il brusquement, se penchant vers Charity. Elle fit signe que non. Mais il remonta la couverture sur ses genoux et se baissa pour lui envelopper les chevilles. Des larmes de faiblesse et de fatigue embrumaient les yeux de Charity et commençaient à couler le long de ses joues. Elle n'osa pas les essuyer de peur que Mr. Royal ne remarquât son geste. Ils continuèrent leur route en silence, suivant les longs lacets de la descente sur Hamblin, et Mr. Royal ne parla plus jusqu'au moment où ils furent à proximité du village. Il posa alors les rênes sur le devant de la voiture et tira sa montre. « Charity, dit-il, vous avez l'air bien fatigué, et North Dormer est encore loin d'ici. Je pense que ce que nous avons de mieux à faire, c'est de nous arrêter ici le temps qu'il faudra pour que vous mangiez une bouchée. Puis nous repartirons pour Creston et prendrons le train de Nettleton. » Elle secoua sa torpeur et murmura. « Le train? Quel train ?» Elle pensa qu'elle avait mal compris. Mr. Royal, sans répondre, laissa le cheval aller au petit trot jusqu'au moment où ils atteignirent la première maison du village. « C'est ici qu'habite la vieille Mrs. Hobart, » dit-il en s'arrêtant devant la porte. « Elle va nous donner quelque chose de chaud à boire. » Charity, marchant comme dans un rêve, descendit du buggy et suivit Mr. Royal. Ils entrèrent dans une cuisine très propre, où le feu pétillait dans le poêle. Une vieille femme au visage calme et doux était en train de mettre le couvert. Elle leva les yeux et eut un hochement de tête amical quand ils entrèrent. Mr. Royal s'était approché du poêle et frappait l'une contre l'autre ses mains engourdies. « Eh bien, Mrs. Hobart, pouvez-vous donner à déjeuner à cette jeune dame? Vous voyez qu'elle est transie et qu'elle a faim. » Mrs. Hobart sourit à Charity et prit une cafetière d'étain qui était sur le feu. « Mon Dieu, comme vous avez mauvaise mine !» lui dit-elle d'un air apitoyé. Charity rougit et vint s'asseoir devant la table. Un sentiment de passivité complète la possédait de nouveau. Et elle n'avait plus conscience que du plaisir animal que lui donnaient la chaleur et le repos. Mrs. Hobart apporta du pain et du lait, puis elle sortit de la maison. Charity vit qu'elle emmenait le cheval sous le hangar en lui faisant traverser la cour. Elle ne revint pas dans la cuisine, et Charity et Mr. Royal restèrent seuls, assis vis-à-vis l'un de l'autre. Mr. Royal versa une tasse de café, mit un morceau de pain dans la soucoupe et la passa à la jeune fille. À mesure que la chaleur du café ranimait le sang dans ses veines, les pensées de Charity s'éclaircirent et elle se sentit renaître. Mais ce retour à la vie fut si pénible que sa gorge se contracta et qu'elle resta les yeux fixés sur la table dans une silencieuse angoisse. Au bout de quelques instants, Mr. Royal recula sa chaise. « Maintenant, dit-il, si vous voulez bien, nous partirons. » Elle ne bougea pas et il continua. « Nous avons encore le temps de prendre le train de midi pour Nettleton. » Ces mots lui firent monter le sang au visage, et elle leva les yeux vers lui. Il était debout de l'autre côté de la table, la regardant d'un air plein de bonté grave. Tout à coup, elle comprit ce qu'il allait dire. Elle ne bougea pas. Il lui sembla qu'un lourd bâillon lui fermait les lèvres. « Charity, reprit-il brusquement, Nous avons eu des mots durs l'un pour l'autre, et je crois qu'il vaut mieux ne pas revenir là-dessus. Quant à moi, je n'ai jamais eu qu'une façon de sentir à votre sujet. Si vous le voulez bien, nous remonterons en voiture pour prendre le train de Nettleton et aller tout droit chez le pasteur. Et quand vous reviendrez à North Dormore, vous serez ma femme. » Sa voix avait cet accent grave et persuasif qui avait ému ses auditeurs à la fête de Oldham Week. Charity sentit que ce ton aisé cachait la tristesse profonde d'une patience longtemps mise à l'épreuve. Elle se mit à trembler de la terreur que lui causait sa propre faiblesse. « Non, non, je ne puis pas, » balbutia-t-elle désespérée. « Vous ne pouvez pas quoi ?» Elle ne le savait pas elle-même. Elle n'aurait pu dire si elle rejetait son offre ou si déjà elle luttait contre la tentation de prendre ce qu'il n'avait plus le droit d'accepter. Elle se leva, tremblante et bouleversée. « Je n'ai pas toujours été juste envers vous, je le sais, » dit-elle, « mais je veux l'être désormais. Je veux que vous sachiez, je veux... » Sa voix lui manqua et elle se tut. Mr. Royal s'était adossé au mur. Il était plus pâle que d'habitude, mais son visage était calme et plein de bonté, et l'agitation de Charity ne paraissait pas le troubler. « Qu'est-ce que tout cela signifie ? » prononça-t-il quand elle eut cessé de parler. « Ma pauvre enfant, savez-vous ce qu'il vous faut ? Vous avez besoin qu'on vous ramène à la maison, et qu'on vous soigne et qu'on vous dorlote. Je crois que c'est tout ce que nous avons à nous dire. Non, ce n'est pas tout. Vous croyez ? » Il regarda sa montre. « Eh bien, tenez, voici encore autre chose. Laissez-moi vous apprendre que tout ce dont j'ai besoin, c'est de savoir si vous voulez m'épouser. S'il y avait autre chose, je vous le dirais. Mais je vous jure qu'en ce qui me concerne, c'est tout. À mon âge, un homme sait ce qui vaut la peine qu'on s'en occupe. Et ce qui ne le vaut pas. C'est le seul service que nous rend la vie. » Le ton de sa voix avait quelque chose de si ferme et de si résolu qu'il sembla à Charity qu'un bras puissant la soutenait. À mesure qu'il parlait, elle sentit sa résistance s'amollir, son énergie l'abandonner. « Ne pleurez pas, Charity, » s'écria-t-il brusquement d'une voix qui tremblait. Elle le regarda, saisie par son émotion, et leurs yeux se rencontrèrent. « Allons, en route, » reprit-il doucement. « Le vieux Dan a déjà fait un fameux chemin. » « Il faut que nous le ménagions, car la route est encore longue. » Il ramassa le manteau qu'elle avait laissé retomber sur sa chaise et le lui plaça sur les épaules. Elle le suivit hors de la maison, et tous deux traversèrent la cour jusqu'au hangar où le cheval était attaché. Mr. Royal enleva la couverture de Dan et, le conduisant par la bride, mit le buggy sur la route. Charity monta dans la voiture. Mr. Royal, quand il la vit assise, l'enveloppa soigneusement, puis secouant les rênes, il fit claquer ses lèvres. Quand ils eurent dépassé les dernières maisons du village, il prit la route de Creston.